Les légumineuses, les mal aimées. Pois chiches, fèves de toutes les couleurs, on va dire que ça goûte à rien. On va trouver toutes sortes de raisons pour les exclure de notre assiette. Avec Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier, on parle légumineuses. Salut les filles! Salut! Si vous trouvez que votre panier d'épicerie coûte cher à cause de la viande, faudrait peut-être penser aux légumineuses. Oui, exactement. Comment pourrait-on décrire les légumineuses pour que ce soit plus attrayant pour les gens? Parce que quand on regarde ça, on n'est pas les premiers à se garrocher, à aller s'acheter des cannes de pois chiches et autres fèves. De façon générale, ça peut être un peu intimidant quand on va dans la rangée des légumineuses puis des fèves sèches. Mais il y a plein de choses qu'on mange déjà qui contiennent des légumineuses. Donc si on pense par exemple au humus, idéalement, on peut le faire maison, mais on n'est pas obligé. Il y en a des super bonnes marques à l'épicerie qui sont déjà prêtes et puis qui sont pas trop salées, qui sont bonnes. Ça fait des bonnes trempettes nutritives, là, puis plein de protéines, faites avec des pois chiches. Oui, puis du chili, fait de la maison ou acheté dans une canne. Il y a beaucoup des fèves dans ça. Même les soupes préparées ont souvent comme des haricots rouges dedans. Donc, oui. C'est plein de légumineuses, en fait, qu'on pense pas nécessairement, là, sans... Mais et aussi comme des haricots verts, comme on achète, frais, mais c'est considéré, on le considère comme un légume, mais c'est aussi considéré que c'est dans la même famille des légumineuses. Avec des petites fèves vertes, tout le monde en mange, en tout cas, j'espère. Oui, mais on considère aussi toujours qu'une bonne pièce de viande, un bon steak, une bonne poitrine de poulet, c'est meilleur. Mais quand on regarde, on fait la comparaison entre les prix. Quand j'achète ma canne de légumineuses qui me coûte 99 sous, j'en achète 10, ça me coûte 10$ et je peux faire beaucoup, beaucoup de recettes avec ça qui vont me donner probablement autant de protéines que si j'avais acheté 50 ou 60$ de viande. Ah oui, c'est certain. L'autre, dans le fond, on aime utiliser les légumineuses pour faire changer la routine un peu, puis complimenter le reste de nos repas de la semaine. Donc, c'est pas qu'on mange pas de viande, mais ça peut être une option santé qu'on rajoute soit une ou deux fois par semaine. Oui. Tu peux manger quand même avec la viande, comme faire comme un spaghetti avec le bœuf haché ou la dinde hachée, puis mettre des lentilles. Ça fait... Quoi, je vais faire pour le dîner aujourd'hui, mais comme tu peux comme couper la mince de viande en une demi, un quart. Ah oui, ok. Fait moitié viande, moitié lentille, c'est une bonne idée. Quand on regarde aussi les légumineuses, pour la santé, je regardais un petit peu, là, je feuilletais les sites internet, ça peut prévenir l'obésité, le diabète et même aussi des maladies cardiovasculaires. Alors, il y a quand même des bienfaits pour les légumineuses, là, au lieu de les prendre et de tasser ça de notre assiette. Oui, définitivement. Donc, les légumineuses, c'est haut en fer, c'est bon en protéines, il y a des bons minéraux aussi, c'est des antioxydants. Donc, c'est toutes des choses qui vont... comme tu dis, là, avoir un lien avec diminution des risques de cancer et puis le bien-être là, de façon générale. Aussi beaucoup de fibres. Donc, si tu ne veux pas manger comme beaucoup de pain ou beaucoup de produits sociaux, il y a beaucoup de fibres dans des légumineuses. Les fibres, c'est bon pour les gens qui ont de la misère à aller aux toilettes, en fin de compte. ça arrive, il arrive. Et puis, une chose qui est intéressante que Kate me disait tantôt, c'est que quand on mange des légumineuses, par contre, il faut faire un complément avec certains autres groupes alimentaires. Oui, parce que les légumineuses sont une bonne source de protéines végétales, mais il y a beaucoup de... dans une protéine, il y a des acides ou aminés qui sont comme essentiels, mais les légumineuses n'ont pas tous les acides aminés. Donc, on doit manger comme avec un peu de viande ou un peu de produits socialisés. Il y a beaucoup de compléments comme ça. Donc, par exemple, ça pourrait être des haricots noirs avec du riz. Oui. Tu peux faire comme un genre de burrito. Comme un burrito bowl, quelque chose comme ça. Ouais. J'avais entendu dire aussi que ceux qui mangeaient, on va dire, mettons, les végétariens qui mangeaient aucune viande, qui vont manger des fèves, pour aller chercher le complément que la viande n'apporte pas, on peut aussi aller vers les noix. Oui, oui, exactement. Donc, noix, sauce de viande ou un pot de céréalier, ça serait, c'est ce qui complète là, bien les légumineuses. Et on parle aussi que ça peut même diminuer le taux de cholestérol pour ceux qui en font et aussi à contrôler le taux de glycémie pour ceux qui font du diabète. Alors, c'est bon, les légumineuses, en fin de compte, on est en train de démystifier ça et de vous dire que, eh bien, peut-être lâcher un petit peu la viande et augmenter votre proportion de légumineuses pour vous-même et pour les bienfaits de la cause. Oui. Comme moi, par exemple, comme au lieu de manger, je sais pas moi, des carottes avec une trempette ranch, je vais faire une trempette hummus ou un pesto, quelque chose comme ça, qui va avoir des légumineuses dedans. Comme ça, tu sais, au lieu d'avoir une trempette juste pour avoir une trempette, au moins je rajoute des protéines puis d'autres bonnes choses là, avec mes légumes ou avec mes craquelins. Ça fait une collation rapide aussi pour les jeunes. Oui. C'est pas comme tu dois manger comme chaque jour. C'est comme tu peux manger deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Puis, une chose aussi qui est le fun, c'est que tu peux les cacher. On va te donner une recette de brownies avec des haricots noirs. À ce moment-là, c'est une belle façon de faire un dessert, mais qui est quand même santé. Oui, j'ai aussi une recette des brownies avec des lentilles. Ouais, oui, brownies avec lentilles, avec haricots noirs. Non. Puis moi, j'aime bien en mettre aussi dans les soupes pour épaissir. Au lieu de mettre des pommes de terre pour épaissir une crème de légumes, mettre des lentilles rouges ou des pois chiches, moi j'aime bien. Ça épaissit, puis ça rajoute des protéines dans ta soupe. C'est un bon truc. Vous nous avez aussi envoyé quelques recettes, dont les brownies aux lentilles, aussi deux autres recettes. On va les partager sur la page Facebook pour les gens peut-être qui en mangent déjà ou qu'on vous a donné le goût d'essayer ça. Allez faire un petit tour sur la page Facebook de CFRH pour essayer les trois recettes que Stéphanie et Kate nous ont envoyées. Aussi, n'ayez pas peur d'essayer d'en manger. C'est bon pour votre portefeuille aussi, à l'épicerie, pour votre santé. Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie. Je vous remercie et j'espère que vous avez donné le goût aux gens d'essayer les légumineuses. Merci beaucoup. Bonne semaine. Salut. Bye.